L'anneau de fer par Ernest Dubreuil. Quand je viens de lire quelques études de certains romanciers contemporains, Maître Habile a provoqué le succès par l'attrait de sujets agréablement scabreux. Je me prends à songer avec un regret attendri que le grand débauché littéraire de ma jeunesse s'appelait Paul de Kock. Il y avait près de la maison qu'habitait mon père, dans le vénérable quartier du Marais, un cabinet de lecture, monument à peu près disparu de nos jours, tenu par une vieille dame nommée Madame Doussin. Là, je trouvais en mes jours d'élégie amoureuse la laitière de Montfermeil ou Sœur Anne, que je demandais, non sans rougir un peu, et que je lisais pendant l'étude du soir, à l'ombre protectrice du Gradus et des Racines grecques. Le mari de Madame Doussin était un capitaine en retraite, qui, les jours de rage, jurait comme un païen, tant le coup de sabre qu'il avait reçu à Waterloo se rappelait à sa mémoire par de formidables élancements. Ce jour-là, il ne fallait pas venir demander à M. Doussin un roman anglais. « Oh, les gueux d'anglais! Oh, Wellington! Le coup de sabre, voyez-vous !» Une seule personne avait, pendant ces cataclysmes, le droit de parler au capitaine sans qu'il éclatât en imprécations. Cette personne, c'était Mademoiselle Angèle Doussin, une brave fille, dont je retrouve encore les traits. Elle était jolie et distinguée. Vivant sans cesse dans la fade atmosphère des bouquins, ses traits avaient contracté la jaune pâleur du vieil ivoire. Pas triste avec cela, malgré les fureurs périodiques de la blessure paternelle, causant même volontiers avec les clients, mais point très gaie non plus. Elle brodait continuellement, assise modestement sur la chaise de cuir du comptoir, et ne se dérangeait de sa broderie que pour atteindre sur les rayons poudreux le volume demandé. Le jour, le magasin était d'aspect sévère. Le soir, éclairé à moitié par une méchante lampe à abat-jour, il avait des profondeurs sinistres. J'allais souvent, sur les 8 ou 9 heures. J'étais alors en philosophie, comme on disait au collège, dernière étape avant le baccalauréat. En philosophie, à 18 ans. Hélas, c'est depuis que j'y ai été. Externe libre au collège Charlemagne, quand j'avais terminé ma tâche du lendemain, je me hâtais de fermer mon livre et en qualité de philosophe, j'allais étudier l'amour dans les grands yeux mélancoliques et innocents de Mademoiselle Doussin. Car je l'aimais. Parbleu, vous vous en étiez douté, n'est-ce pas? La pauvre chère enfant ne m'a jamais répondu, croyez-le bien. Lorsqu'elle se maria, humiliation profonde pour mon cœur de philosophe épris, elle m'invita à sa noce. Cela était tout naturel et très poli. J'en faillis mourir de douleur. Ne riez pas, je vous en prie. Qui de vous n'a ressenti cette étreinte douloureuse du cœur qui se serre au premier amour qui se brise? J'y fus à cette noce, et ma philosophie me fit danser de rage jusqu'à 8 heures du matin, avec une blondinette jolie jusqu'à l'incroyable, qui m'apprit la polka alors dans toute sa fureur. Quand on pense que si Mademoiselle Doussin ne s'était pas mariée, je n'aurais peut-être su polquer de ma vie. J'eusse gardé bien des illusions. Donc, cette petite boutique de la rue Culture Sainte-Catherine avait ma visite chaque soir. Je tremblais effroyablement en mettant la main sur le bouton de la porte de ce paradis. Si, par hasard, la bataille glorieuse du capitaine retentissait dans le fond du magasin avec des sonorités rageuses, je prenais mes jambes à mon cou et m'enfuyais comme un voleur. Pourquoi? Le brave homme m'aimait et m'avait même en quelque considération. J'étais un abonné au volume. Cela ruinait ma bourse, mais me valait mes grandes entrées. Si le coup de sabre ne se faisait pas sentir, je voyais l'ennemi de la perfide Albion étendu dans un fauteuil gros vert en velours d'Utrecht et sommeillant près du poêle. Alors j'entrais. Le spectacle était peu varié. Le capitaine, poursuivant en songe les cuirassiers de Ponsonby, la mère lisant le journal du soir, la fille brodant une pantoufle éternelle aux lueurs discrètes de la lampe à godet, puis un vieux chat gris, comment ai-je pu l'oublier jusqu'à présent, dormant en boule sur le comptoir, la queue presque toujours dans l'encrier. Voilà ce qui ravissait mes 18 ans. Au fond, à droite, à gauche, partout des livres. J'apercevais, rangés en fil sombre, les Fenimore Cooper, les Walter Scott, les Édouard Corbière. Un rayon entier recelait les drames épouvantables d'Anne Radcliffe. Tour du Nord, Fantôme du Château, Spectre du Donjon, Mystère du Dolph, héroïne persécutée, chevalier vainqueur, géant farouche, bandit sans pitié, moine bienveillant aux amoureux poursuivis, père sans entrailles, châtelain sans cœur. Je savais toutes leurs aventures. je les eusse récités sans en passer une ligne. À côté, l'escadron chevaleresque des héros à turban de Madame Cotin. Tous les malais gadels imaginables. Âmes sensibles, glaives foudroyants, troubadours, descendus de toutes les pendules de l'Empire. Puis, fiers et tout battant neuf dans leur reliure fraîche, les Eugène Sue, les Alexandre Dumas, rois de l'époque. Après quelques banalités adressées à Mademoiselle Angèle, et que ma flamme discrète mais prudente, le capitaine, soulignait d'œillades meurtrières, je fouillais dans les rayons à ma guise, à la recherche de quelqu'un connu que j'emportais en toute hâte à la maison et que je passais ma nuit à dévorer. Un jour, il me tomba sous la main un petit volume de nouvelles écrites en allemand et sans nom d'auteur. Je savais assez de la langue de Wieland pour me risquer, et je traduisis celles qui me semblèrent les plus intéressantes par leur sincère simplicité et le charme des détails. Celle que vous allez lire, cher lecteur, ne me parut pas sans mérite. Vous y trouverez, diable, ne déflorons rien. Seulement, je puis vous dire que, comme dans les pièces de scribe, tout finit par un mariage. Que voulez-vous de plus? Ceci posé, je commence. Chapitre 1er. 10 heures sonnaient à toutes les églises de Vienne. Que mes lecteurs veuillent bien se transporter dans une petite maison située près du Graben. Montez avec moi, chers amis inconnus, un petit escalier tortueux, à rampe de bois, frappé au 3e étage, à une porte à peu près disjointe. On ne répond pas. Entrez bravement et regardez. L'étudiant Hermann travaille à la lueur d'une lampe de fer. Sa table est couverte de livres de médecine et de chirurgie. Au fond de la chambre, il y a une couchette de bois peint. Une bibliothèque est à côté. Sur la cheminée, un vase rempli de magnifiques fleurs, un pot de tabac et des pipes, de ces belles pipes en porcelaine peinte au tuyau de cerisier. Tout cela est pauvre, mais propre. Hermann lit. C'est un jeune homme de 24 ans. Il a de longs cheveux blonds, partagés au milieu de la tête comme ces beaux jeunes hommes des tableaux de Raphaël. Son front est blanc et pur comme celui d'une femme. Ses yeux bleus, tendres et mélancoliques, son cou, d'une blancheur éclatante, ressort merveilleusement sur le velours noir de sa redingote. Ses mains sont maigres et effilées. Les premiers rayons de la lune passent par la fenêtre ouverte encadrée de fleurs et tombant sur son front, le baise amoureusement et s'y joue avec d'étranges éclats de lumière. Nous sommes au mois de juin. Tous les bruits de la ville se taisent. On ne va bientôt plus entendre que les mille voix de la nuit. C'est l'heure des rendez-vous, l'heure mystérieuse et voilée, l'heure des gaies sérénades, l'heure des joyeuses amours. C'est un étrange jeune homme, allait que mon ami Hermann. Il a été élevé dans une austère et grave famille qui l'a pris à croire à toutes les vertus en les lui montrant devant lui. Son père est un homme antique, fort et sévère. Sa mère, une matrone romaine, avec la douceur que le christianisme a mis dans les âmes. Son enfance s'est écoulée calme et tranquille dans un horizon borné. À l'heure de son adolescence, quelques éclairs ont déchiré ce voile et lui ont montré des abîmes inconnus, des régions nouvelles. Son cœur a commencé à battre dans sa poitrine à 17 ans. Il a aimé, sans jamais avouer son amour à cette jeune fille ni à lui-même. Mais la flamme dévorante avait effleuré son cœur, y laissant un sillon que devait bientôt féconder les passions et arroser les orages. C'était à 20 ans une vaillante nature, croyant à Dieu, à la vertu, au bon sentiment. Il ne supposait pas le mal. Il ne voyait dans les hommes qu'une seule et même famille. Le premier venu était son ami. Il allait à lui, les mains tendues, le sourire aux lèvres, et lui disait « Frère, as-tu besoin de moi? Es-tu fatigué de douleur? Je suis fort. Donne-moi la moitié de ton fardeau. Es-tu fatigué de joie? Dis-les-moi, et réjouissons-nous ensemble. » Toutes les femmes étaient belles, toutes étaient bonnes. Il les aimait toutes, et elles devaient toutes l'aimer. Il lui prenait souvent des ardeurs de solitude. Alors il courait dans la forêt, regardait autour de lui. Puis, quand il se savait bien seul, il se roulait dans l'herbe en pleurant, parlant à la nature, prenant les oiseaux de l'air, les animaux des forêts à témoin de son bonheur. Puis, tombant à genoux, il remerciait Dieu. Il restait ainsi de longues heures dans le délire, seul, oublié, heureux. Puis, l'âme calme et sereine, il reprenait le chemin de la ville, et on le rencontrait sur la route, marchant doucement, la tête baissée, effeuillant les fleurs qu'il avait cueillies, écoutant le bruit du monde qui naissait en lui, se sentant devenir homme et rêvant de bonheurs inconnus. Et les jeunes filles, qui allaient à la ville vendant leurs fruits et leurs fleurs, disaient, en passant près de ce beau et pâle jeune homme, et en le regardant à la dérobée sans qu'il songeât à elle, « Voilà un beau garçon. Quel dommage qu'il ait l'air si froid. » Et il passait, et retournait la tête souvent, et lui marchait toujours, souriant et jetant ses fleurs au vent du ciel. Voilà ce qu'était Hermann à 20 ans. 4 ans plus tard, nous le retrouvons plus pâle. Deux rides légères s'étendent sur ses joues, c'est le lit qui ont creusé les larmes. Il a aimé. Il a aimé une de ces belles poupées de cire qu'on met à la montre des coiffeurs. Une de ces femmes au cœur d'airain qui restent longtemps jeunes parce qu'elles ont dévoré la jeunesse de beaucoup d'amants. Hermann a donné une partie de la sienne, en échange de quelques joies grossières, de quelques voluptés brutales. Oh, ces femmes! Maudissez-les, jeunes filles, ce sont elles qui vous volent vos fiancés. Hermann, cependant, était si riche d'illusions et de poésie qu'il s'était repris encore une fois à l'amour. Un rayon de soleil était descendu sur cette belle âme qui commençait à se flétrir et lui avait rendu sa vigueur. Il aimait Geneviève et ce soir-là, il l'attendait. Or, au premier coup de 10 heures, Hermann ferma son livre et se leva. « 10 heures, dit-il, elle va venir. Allons, patience. » Il fit 2 ou 3 tours dans la chambre, ouvrit et ferma la fenêtre, alla de sa table à son lit, puis fut se rasseoir, la tête dans ses mains en murmurant « Ah, mon Dieu, qui peut ainsi la retarder ?» Il rouvrit son livre et se mit à lire avec une impatience fébrile. Le quart sonna, puis l'admi. Hermann jeta avec colère le livre au milieu de la chambre. « Non, c'est impossible. Il faut qu'elle soit malade. Je n'y puis plus tenir. Je vais courir jusqu'à sa demeure. » Mais si, pendant ce temps-là, elle arrivait, attendons encore. S'il n'est pas ici à 11 heures. Il secoua ses beaux cheveux blancs en arrière. J'irai. Tout à coup, une voix fraîche et mélodieuse se fit entendre dans la rue. Hermann bondit. La voilà, s'écria-t-il, la voilà. La jeune fille chantait cette naïve chanson sur un vieil air. Il est un mot dans nos cœurs, écrit par Dieu même, quand la jeunesse est en fleurs. Ce mot est « Je t'aime ». Lorsqu'arrivent les vieux ans, le vieillard en cheveux blancs dit encore à ses enfants « Aimez, je vous aime. » Au dernier vers, la porte s'ouvrit et une jeune fille entra. « Geneviève, Hermann !» Et il tomba à ses pieds, et prenant les 2 mains de Geneviève dans les siennes, il les couvrit de baisers.